Généalogie de la morale, une œuvre de polémique. Les trois dissertations qui composent cette généalogie sont peut-être, pour ce qui concerne l'expression, l'intention et l'art de la surprise, ce qu'il a été écrit jusqu'à présent de plus inquiétant. Dionysos, on ne l'ignore pas, est aussi le dieu des ténèbres. Il y a là chaque fois un début qui doit induire en erreur. Ce début est froid, scientifique, ironique même. Il est mis en relief avec intention. Il est dilatoire à dessein. Peu à peu, l'agitation augmente. Ça et là, il y a des éclairs à l'horizon. Des vérités très désagréables viennent de loin avec de sourds grondements, jusqu'à ce qu'un tempo feroce soit atteint où tout se presse en avant avec une tension formidable. À la fin, l'on aperçoit chaque fois, au milieu de détonations absolument terribles, une nouvelle vérité, visible parmi d'épais nuages. La vérité de la première dissertation, c'est la psychologie du christianisme. La naissance du christianisme dans l'esprit du ressentiment et non point, comme on pourrait le croire, dans l'esprit. De par toute son essence, c'est un mouvement de réaction, la grande insurrection contre la domination des valeurs nobles. La seconde dissertation présente la psychologie de la conscience. Celle-ci n'est pas, comme on pourrait le croire, la voix de Dieu dans l'homme. C'est l'instinct de la cruauté qui se dirige en arrière après qu'il ne lui a plus été possible de se décharger à l'extérieur. La cruauté, considérée comme un des plus anciens et des plus nécessaires fondements de la civilisation, est ici mise en lumière pour la première fois. La troisième dissertation résout le problème de l'origine de l'idéal ascétique et de sa puissance énorme, la puissance de l'idéal du prêtre, bien que cet idéal soit l'idéal nuisible par excellence, une volonté de la fin, un idéal de décadence. Cette puissance du prêtre provient non point du fait que Dieu est derrière lui, comme on pourrait le croire, mais du fait que l'idéal ascétique a été jusqu'à présent, faute de mieux, le seul idéal, un idéal qui n'avait pas de concurrence. Car l'homme préfère vouloir le néant que de ne point vouloir du tout. Avant tout, un contre-idéal faisait défaut, jusqu'à l'apparition de Zarathoustra. On m'a compris. Trois études préparatoires et déterminantes d'un psychologue en vue d'une transmutation de toutes les valeurs. Ce livre contient la première psychologie de prêtre.